temps de parler de la Ligue nord-américaine de hockey avec notre ami Dominique Bolduc de CKJ. Salut Dominique. Salut Dominique, Yannick. si on y allait, il y avait seulement qu'un seul match en fin de semaine. Y a-t-il une raison particulière? Non, ben c'est le format du calendrier. Très souvent, on se pense que c'est un calendrier de 26 semaines où il est étalé 40 matchs. Donc, ça arrive des fois que des fins de semaine ont seulement une seule rencontre. C'était le cas des Marquis, puis ça va être le cas également pour le prochain week-end. 4 week-ends sur 6, des 6 prochaines fins de semaine, il y aura seulement un seul match. Donc, ça va donner un peu de repos au Marquis, qui avait un peu plus de matchs de jouer que tout le monde depuis le début de l'année. Donc, un seul match ce week-end contre le Blizzard de Trois-Rivières. Les Marquis l'ont emporté par la marque de 6-3 pour consolider leur avance au premier rang. Avec ça, ils avaient 5 points d'avance avec cette victoire-là. Les Marquis qui se sont bien présentés, évidemment, avec un alignement complet. Le retour de François Fortier, donc Claude Bouchard qui a décidé de y aller avec 10 attaquants, plus l'homme fort Sean McMorrow, qui était 11e attaquant. Alors, ça a bien fonctionné. François Fortier, qui ne semblait pas rouillé du tout, a marqué un très beau but. Benoît Graton, qui a toujours été dominant. Encore une fois, devant le filet, là, avec la casse, ça a bien fait. Et tout ça devant une merveilleuse foule de 2237 spectateurs au Palais des Sports, sur la meilleure foule de la saison. Est-ce que, les Marquis également, qui ont fait l'acquisition de Francis Lessard, on dit que c'est un gros bonhomme, 6 pieds 3, 230 livres, on a cédé deux défenseurs et deux choix au pêchage. Oui, exactement. Francis Lessard, qui est connu dans la Ligue nord-américaine du côté de Cornwall, un homme fort, un gars qui a déjà joué dans la Ligue nationale, entre autres, avec les Sénateurs d'Ottawa. Il a été acquis en retour de Jonathan Parisien, de William Lacasse, et également d'un choix de 4e et 5e ronde. Du côté de Jonathan Parisien, ben en raison de son nouvel emploi du côté de la ville de Montréal, il ne pouvait plus venir jouer avec les Marquis. William Lacasse, c'est un gars qui était là, c'est 3e, 4e défenseur, malheureusement pour lui, ben il fallait sacrifier quelque chose de bon, puis ce joueur-là, c'était William Lacasse, puis des deux joueurs repêchage. Donc, du côté de Francis Lassard, maintenant, reste à savoir ce qu'il va se présenter à Jonquière. On sait que dans les dernières semaines, les rumeurs qu'on entendait, il voulait pas se présenter à Jonquière, mais j'ai bien aimé dans le premier dimanche, ce week-end, Marc Boivin qui mentionnait, il dit, si on écoutait tous les joueurs qui disaient qu'ils ne voulaient pas se présenter à Jonquière, il n'y en aurait pas d'équipe à Jonquière, simplement. Le dernier exemple que je peux prendre, c'est Benoît Graton, lorsqu'on avait fait son acquisition au repêchage. Du moins, dans Jonquière, ça m'intéresse pas, puis il est là cette année. Là. Donc, je pense que les joueurs vont sûrement, les joueurs qui sont de la région de Montréal, de même endroit que Francis Metz, vont sûrement lui parler pour dire que, regarde, Jonquière, c'est une belle place. On voyage en groupe, donc il n'y a pas besoin de voyager tout seul. Donc, si on peut le convaincre à venir du côté des Marquis, c'est une très grosse acquisition, parce que le seul qui manque qu'il y a en ce moment du côté de Jonquière, c'est du côté de la robustesse des hommes forts. Puis Francis Lassard serait l'ajout là, qui manque. Est-ce qu'on se donne jusqu'au 19 janvier, parce que c'est la date limite des transactions, est-ce qu'on se donne jusqu'au 19 janvier pour statuer dans le cas de Lassard, ou on va le repasser dans un autre échange, advenant qu'il ne veut pas? C'est quoi le plan de match là-dessus? Là? Ben, tout est possible. Là. Pour l'instant, Francis Lassard fait partie des Marquis de Jonquière. S'il décide vraiment qu'il ne veut pas venir jouer à Jonquière, ben l'équipe a jusqu'au 19 janvier pour le transiger. Je pense qu'il y a déjà des équipes qui seraient très intéressées. On parle beaucoup de Laval, on parle beaucoup de Sorel. Il a une très bonne valeur, donc je pense que facilement les Marquis peuvent aller chercher deux joueurs de bon calibre en retour de Francis Lessard. Donc, s'il décide qu'il ne veut pas se présenter à Jonquière, ben, ça serait simplement une bonne monnaie d'échange pour être transigé. Dominique, je veux te parler d'expansion. Est-ce qu'il y a un projet d'expansion? Est-ce que vous entendez parler de quelque chose? Parce que 6 équipes, ça fait pas beaucoup dans la Ligue nord-américaine. Mais c'est ça. Du côté de l'expansion, évidemment, l'équipe, la Ligue nord-américaine voudrait toujours prendre ses temps un petit peu plus, mais c'est pas évident. Ouais, on voulait installer à un moment donné une deuxième équipe en Ontario. Là, on parle beaucoup d'Edmonton au Nouveau-Brunswick. Je ferais une bonne rivalité avec Rivière-du-Loup, Edmonton, qui est en train de se construire un nouvel amphithéâtre de, je pense, 3000 places. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Et évidemment, lorsque tu augmentes le nombre d'équipes, on voudrait se rendre au moins à 10, mais ça sera pas facile. Évidemment, ça lorsqu'on parle de talent dilué, moi, je pense pas que ça diluerait le talent, parce qu'il y a tellement de nouveaux bons joueurs qui s'ajoutent à chaque année. Ça ferait simplement remettre la compétition, mais évidemment, la distance, ça s'allongerait. Là, du côté de Jonquière, Montaigne, c'est quand même un bon bout. Une autre équipe en Ontario, c'est quand même beaucoup de voyageurs. Donc, je pense que avec cette si on fait une expansion de deux autres équipes, je pense qu'on pourrait séparer la Ligue en deux sections. 5-5, puis jouer entre les sections, puis après ça, ramasser en finale, ou simplement un match contre chacune des équipes à domicile puis à l'étranger, comme on fait dans la Ligue nationale avec l'Association de l'Ouest, avec l'Association de l'Est. Ça pourrait être une possibilité. Évidemment, on regarde les horizons, et je pense que la première expansion qu'on pourrait considérer, c'est une chose que je comprends pas, puis ça fait longtemps, c'est qu'il n'y a pas de club dans la région de Québec. Alors, ça serait toujours une possibilité. Lévis, entre autres, hein. Tu sais, quelque part, là. Oui. Tu sais, je comprends pas que Lévis n'est pas regardé. Puis je pense que Michel Godin demeure dans la région de Québec, en plus. C'est ça qui est assez bizarre, là. Oui, exactement. Lévis pourrait être une possibilité. Charlebourg pourrait être une possibilité, même si, bon, c'est pas des gros arénas. Ancienne Lorette, il y a un aréna d'à peu près 1200-1500 places. Ça pourrait être une possibilité. Il y en a beaucoup qui parlent de Pont-Rouge, mais malheureusement, du côté de Pont-Rouge, le marché est un petit peu trop petit. Une municipalité d'environ 6000 habitants, un aréna d'environ 800 places. Pour la Ligue nord-américaine, c'est rendu un peu trop petit, même s'il y en a plusieurs qui s'ennuient du hockey du Mont-Vieux-Temps à Pont-Rouge, malheureusement. Ouais. Mais il y a peut-être Sainte-Marie-de-Beauce. Sainte-Marie, on avait déjà fait le test, mais bon, ça n'a pas été concluant. Ils ont une nouvelle amphithéâtre de ce côté-là, mais là, je pense que ça serait un petit peu trop près avec Saint-Georges, peut-être Fermette. Mais je pense qu'à Québec, il faudrait considérer la situation, là, si on veut évaluer. Okay. Dominique Bauduc, on se parle sur CKJ cette semaine. Yep. Voilà, Dominique Bauduc de CKJ.